L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Belle nouvelle pour un gars de la région. Samuel Harvey a été sélectionné le gardien de but par excellence de la Ligue canadienne de hockey. La semaine passée, il a été fumant en remportant 3 victoires. Et 3 victoires à l'étranger par sur quoi? Une moyenne de 1,33. Question de savoir, pour parler de son début de saison, on lui parle. Salut Samuel! Salut! Samuel est vraiment là. Je regardais tes statistiques pour le butin du sport local. 1,33, pourcentage d'arrêt de 951, c'est tout qu'un début de saison pour toi, non? Ouais, c'est sûr que c'est pas si pire que ça, ces stats-là, mais comme on a vraiment un bon début de saison collectivement, je te dirais, puis il y a pas rien de moi là-dedans, c'est vraiment toute l'équipe, puis on travaille tout fort, on travaille dans la même direction, fait que je pense que c'est un peu ça qui fait notre succès en ce moment. OK. Si on parlait un peu de... T'es à ta troisième année comme gardien de but dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À un moment donné, il faut être prêt. Là. T'étais vraiment prêt. T'as bien vu et t'as bien appris aussi. Là. Bon, oui, c'est en plein ça. Cette année, pour moi, là, je sais que c'est mon année. Puis t'es rendu à mon tour d'avoir la pole. Puis je m'étais entraîné super fort durant tout l'été. Puis je t'arrive au camp vraiment, vraiment prêt. Puis là, avec le début de saison, puis j'ai eu des bonnes performances. Fait que là, justement, je me sens encore vraiment plus prêt. Puis... c'est sûr que, comme tu dis aussi, rendu à ta troisième année, il faut que tu prennes la pole, puis faut que c'est toi qui prenne le lead. Parle-moi de Gilles Bouchard, c'est vraiment extraordinaire, cet instructeur-là. On lui parle souvent parce qu'il vient de Normandin, mais c'est un motivateur. Ça sent vraiment motivateur, ça sent vraiment un gars qui prépare bien son équipe. Hein? Bon, oui, définitivement, c'est vraiment, vraiment un excellent entraîneur, puis... Gilles, c'est un gars qui est expérimenté, puis il sait comment comme tu as dit, c'est un bon motivateur envers ses gars, puis on a un bon système de jeu, puis il sait comment faire pour avoir du succès. Puis on l'a prouvé l'année passée, puis cette année, on a la même recette encore, puis je pense qu'on va être capable d'avoir du succès encore. OK. Certainement, comment tu vois l'année, les Huskies? Est-ce que du côté dans le vestiaire des joueurs, est-ce qu'on pense vraiment, c'est sûr qu'il est encore trop bonheur, mais est-ce qu'on pense vraiment retourner à la Coupe Memorial parce que ça a fini? Vous avez tellement passé près que c'est à quelque part, c'est quasiment choquant. Là. Est-ce qu'on y pense déjà? Bien, c'est sûr que comme tu dis, là, c'est un long processus, puis on a beaucoup de choses à apprendre, puis c'est une nouvelle équipe, sauf que... les gars dans le vestiaire, c'est encore le même but. Là, on veut toute la même affaire. On veut retourner à la Coupe Memorial. Puis là, on veut vraiment la gagner. On y a goûté l'année passée. On a passé proche. Puis cette année, c'est vraiment dans nos têtes aussi. Sauf que faut pas non plus négliger que, comme je te dis, là, c'est un long processus. Faut vraiment prendre une chose à la fois. Puis c'est ça qu'on va faire. Samuel, t'as pas été repêché encore. Troisième année. Est-ce que ça t'inquiète un peu? Est-ce que vraiment le fait que tu connais un début de saison extraordinaire, nommé gardien de but au pays la semaine dernière, à quelque part, les recruteurs doivent commencer à te regarder un peu? Ouais, ben, c'est sûr que l'année passée, j'avais eu une petite déception. Je m'attendais pas vraiment d'être repêché, sauf que je me disais peut-être bien que j'ai des chances d'avoir une extension, un camp quelque part. Ouais. Mais c'est pas arrivé, sauf que moi, la seule affaire que je me suis dit, c'est que je vais travailler plus fort pour voir ce qui va arriver. Puis cette année, c'est vraiment ça mon but. T'sais, je veux travailler fort, puis je veux démontrer que je suis capable. Puis avec ça, les recruteurs vont voir que ils vont voir un peu mon talent. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer rendu là. Puis je me mets pas de pression avec ça du tout. Puis moi, ce que je veux, c'est vraiment de gagner la Coupe du Président puis la Coupe Memorial. OK. Le fait que tu aies été deuxième, à quelque part, ça a pu te nuire un peu, hein? Ben, c'est sûr que j'ai joué moins de matchs. J'ai pas eu la chance non plus de jouer en séries éliminatoires, fait que ça a peut-être pas aidé. Puis cette année, ben, j'ai la pole, fait que on va voir qu'est-ce qui va arriver. Okay. Ben Samuel, un gros merci. Bravo. Puis on parle souvent à Gilles parce qu'il vient de Normandin, évidemment. Mais de voir un autre gars de la région qui est en Abitibi et qui performe jusqu'à maintenant, c'est extraordinaire. Jouer à Rouyn-Noranda, c'est pas si pire, dans le fond, c'est loin de l'Alma. Ouais, c'est sûr que c'est un petit peu loin, mais on s'y habitue, puis je suis petit depuis que j'ai 16 ans, puis j'adore la ville, fait que y a aucun problème à jouer à Rouyn-Noranda. OK. Ben Samuel, on s'en reparle probablement d'ici la fin de l'année. Yes, merci beaucoup. Le gardien de but originaire d'Allemagne, Samuel Arnaud.